Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. On est enfin sorti de confinement, mais on est toujours loin des autres. Et je vais commencer à faire mon tour d'appel par Nico, alias Sweep. Yo tout le monde. Et avec vous, j'ai également Adrien. Salut à tous. Alors, pour aujourd'hui, on vous a préparé un très très bon programme, un excellent programme. Tout ça parce que ben, c'est le dernier débat comics de la saison. Donc, on va avoir une grosse émission avec de très bons sujets. On va commencer par quoi commencer les comics, soit les Big Two, soit en indépendant. Je suis sûr ce que va nous sortir Sweep là-dessus. On enchaînera après sur les lectures numériques, parce que c'est quelque chose qui est arrivé avec le confinement, où chacun a pu plus ou moins s'expérimenter la chose. On va revenir après sur la grosse news de mai avec cette Snyder Cut. Et pour moi, c'est clairement une boîte de Pandore qui s'ouvre, et je vais détailler le détail, je vais vous détailler la chose au moment venu. On va passer après sur un petit passage au niveau du Japon avec l'industrie des animés qui est complètement en pause depuis le début du Covid, et on a eu de grosses annonces d'animés qui ont été décalées, dont l'attaque des Titans. Et après, on va terminer par les conseils d'achat. Vous êtes partis pour cette grosse émission, les gars ? Allez, ouais. C'est parti. Allez, ben, on va commencer directement avec le premier débat. Et voici notre premier débat sur les comics et par quoi il faut commencer, soit par les Big Two, soit par les indépendants. Alors avant que Nico et moi on déballe la chose, j'aimerais avoir l'avis d'Adrien, qui est plutôt un manga et qui lit de temps en temps des comics, et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu préfères au fond. Est-ce que tu es plutôt Big Two, donc DC Marvel, ou est-ce que tu préfères plus des petits comics indépendants comme Lock and Key et compagnie? Bah justement, tu vois, bah tu me dis Lock and Key, et du coup c'est vrai que j'ai Sweep Nico qui m'a passé les Lock and Key qu'il faut que je lise, tu vois, parce que putain, il s'est toujours pas lu. Non. Alors moi c'est assez bizarre en fait, ce qui me dérange, donc enfin ce qu'il y a, on a déjà parlé sur certains débats, mais c'est vrai que quand tu t'attaques au Big Two, à DC ou Marvel, suivant où c'est que tu veux te placer dans le moment où tu veux lire, il y a tellement de gros événements et machin que ça peut être compliqué à attaquer. Ce qui n'est pas le cas du coup avec les indépendants, tu vois. Genre Punk Rock Jesus, qui est un indépendant que j'ai adoré, tu vois. Ah, okay. C'est facile à lire, tu prends un tome, parfois il y en a deux, trois. Je vois Lock and Key que Nico m'a filé, alors il m'a prêté les versions collector, on va dire. Oui, de Milestone avant que ça soit repris par iComics quelques années plus tard. Voilà, alors je ne sais pas combien il y a de tomes maintenant pour finir, mais en tout cas, moi, j'ai les trois bouquins. Donc voilà, c'est des séries qui peuvent être plus ou moins courtes. Après, je lis quand même un peu de Marvel et de DC sur, en fait, où je sais les arcs ou les trucs, tu vois. Dernièrement, je me suis lu, je ne les ai toujours pas lus, les Planet Hulk et World War Hulk, qui en fait sont quand même deux bouquins qui se suivent, et donc du coup t'as pas forcément besoin de savoir ce qui se passe un peu avant après, tu vois, tu peux te lire ces deux bouquins et voilà, t'as l'histoire sur ton perso, sur une très bonne histoire en plus. Donc moi je serais plus sur indépendant, et ou après par rapport au Marvel ou au DC, peut-être des arcs ou des formats courts en fait, tu vois. Ouais. Genre, The White Knight, tu vois, de Batman, tu vois, c'était un tome. Bon, ils vont sortir tout de suite. Mais tu vois, c'est des histoires, tu vois, tu peux accrocher sur ton perso, sur un perso, tu vois, c'est une histoire courte, et bon, comme ça, ça passe. Mais attaquer sur un arc, sur un événement ou un machin, ça peut être vraiment compliqué, je trouve. Sauf si t'en as jamais lu et que tu dises, bon, ben voilà, Civil War, c'est à lire, donc je vais le lire, tu vois. Et là, voilà, tu sais par où attaquer, mais c'est vrai que ça peut être difficile par la suite, je trouve, de suivre vraiment la chronologie des Marvel ou des DC. Genre, tu vois, DC, je sais pas si je veux essayer de lire, tu vois, du du Superman, je vais savoir quelques tomes, tu vois, mais si je vais essayer de lire un arc ou un événement dans DC, ben, je ne sais pas trop par où attaquer ou par où, tu vois. Et c'est ça qui peut être compliqué, je pense, pour les nouveaux lecteurs. D'accord, ok. Alors, Nico, je vais rectifier un peu la question parce que Adrien elle a très bien répondu à cette question, mais en parlant des grandes séries, mais également dans l'AD, tu as des grandes séries. Donc, Nico, je vais te poser cette question. Est-ce qu'il vous faut mieux commencer par le mainstream ou par l'indépendant ? En sachant que dans le mainstream, je mets Spawn qui dure depuis des années et Power Rangers, etc., etc. Ben en fait, la question, si moi je voulais en débattre un peu, c'est que ça se prend sous plusieurs aspects. De base, déjà, tout ce qui est Big Two, c'est quand même des univers très connus. On a tous connu les films Batman ou les dessins animés, pareil pour Spider-Man, que ce soit Avengers maintenant avec le MCU. Donc c'est des univers qui, de base, ben, nous parleront déjà un peu plus que de lire un comics indé dont tu sais rien. Donc t'as l'aspect où le comics Big Two sera plus connu. Par contre, t'as le coût derrière tout ça. C'est-à-dire qu'un comics, par exemple, si on prend l'exemple d'un manga qui coûte 7€, un comics, ça peut être deux fois le prix pour un simple bouquin, mais tu peux aller jusqu'à 70€ un gros tome, quoi, un omnibus. Donc par rapport au budget, déjà, ça peut être compliqué. Puis surtout, voilà, comme Adrien a dit, si tu commences à partir d'un événement et que tu comprends rien, ça peut être quelque chose d'assez embêtant. Donc souvent, bah, à une époque même, enfin voilà, on avait connu, tu le connaissais toi Jeff, il y avait les kiosques pour aider. Maintenant, on a souvent des reboots. Oui. Maintenant, on a souvent des reboots un peu pour essayer de reprendre ou des débuts de run qui se font. Mais si tu te concentres sur un héros, pour moi, c'est jouable. Alors déjà, c'est vraiment se concentrer. Quand je dis sur un héros, c'est vraiment un héros. Parce que les Spider-Man, c'est pas genre prendre le Amazing Spider-Man, prendre le Friendly Neighborhood qui est aussi le Spider-Man et tout. Même si après, avec le temps, ça va. Mais tu peux suivre chronologiquement le truc et prendre ton temps parce que t'as envie de tout découvrir. De suivre, de vraiment découvrir le personnage. Mais si tu veux vraiment découvrir tout l'univers, ça demande beaucoup plus de moyens, et puis surtout, il faut attaquer au bon moment. Tu peux pas t'attaquer en plein milieu d'un truc, il faut essayer que toutes les séries soient coordonnées. C'est ça, ouais. Parce qu'il est en plus super compliqué. Alors que côté ND, certes, déjà de base, côté ND, tu sais pas du coup à quoi t'attendre, mais par chance, après, t'as ton libraire, tes fans de comics qui, selon tes goûts, peuvent t'aider, parce que l'avantage de l'indé, c'est que pour moi, l'indé, faut voir ça comme un manga, faut voir ça comme de la BD franco-belge, c'est une série. T'as un groupe d'artistes qui bosse dessus, c'est une série, ça a un début, une fin, des fois ça peut être long, comme Walking Dead aussi, par exemple, qui a été très long, ouais. Mais ça va être un truc complet que tu peux prendre à ton rythme, genre prendre un tome tous les 2-3 mois, mais tu pourras suivre l'histoire délicatement, alors que si tu fais ça pour Marvel, t'auras toujours du retard. Et donc c'est l'avantage aussi. Et ça te prend la gorge en plus. De quoi ? Ça te prend un peu la gorge parce que du coup tu veux rattraper, tu veux suivre, du coup ça. Ouais, être... oui, mais dis-moi clairement, actuellement je suis en train de me dire que je vais arrêter Marvel parce que tout simplement, enfin pour balancer comme ça, il y a des chances que je commence à acheter, donc mon budget va gravement baisser et donc je peux pas tout suivre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ce sujet, je le trouve intéressant d'en débattre un peu. Et en plus, l'avantage donc de l'indé, c'est que si t'as un bon libraire ou des mecs qui s'y connaissent un peu dans tous les domaines, tu dis par exemple un style que t'aimes bien, genre même un manga que t'aimes bien dans le style d'histoire, on peut te dire, tiens, tel comics pourrait t'intéresser. Par exemple, un mec qui aime un peu l'horreur, je vais lui conseiller du Outcast, par exemple. Un mec qui aime les super-héros sans trop vouloir du Marvel, on va lui conseiller Invincible. Il y a plein de trucs comme ça, des intrigues. Il y a un mec qui aime un peu de Lovecraft, mais on a le Neonomicon qui a été fait, par exemple. Il y a Lock and Key. Donc il y a plein d'univers, il y a plein de choses, c'est assez varié, et on peut retrouver de tout. Si tu veux des trucs un peu osés, mais aussi très sérieux, par exemple, Jeff pourra vous dire qu'il y a les Sunstone, par exemple. Ah oui, oui, ça c'est bien, ça c'est génial, j'adore. Mais l'avantage, c'est que voilà, l'indé, ça se rapproche des autres formats un peu manga et BD franco-belge, sur le fait que t'as un univers qui est juste une série, et puis voilà. Donc, après, voilà, de savoir par quoi commencer... bon, moi j'ai fait les deux, j'ai commencé par l'indé, après j'ai revendu tout mon indé pour faire un gros départ sur Marvel, mais bon, c'est un départ qui m'a coûté, et en plus j'ai pris que l'aspect cosmique, tu vois, donc si tu te concentres que sur un héros, soit tu prends à partir d'une période récente, parce que par exemple il y a des Spider-Man, les trucs ça vaut 200 balles quoi, si tu regardes des périodes, les omnibus avec les Miles Morales et compagnie, c'est 120€ ou 200€ l'omnibus. Donc ah, faut ouais, commencer attends, en plus ça... à partir d'une période. Ouais. Après ce débat sur le prix d'un omnibus avec Miles Morales, c'est autre chose également, parce que bon, là c'est tu rentres. Une réédition. Ouais, voilà, il n'y a pas de réédition, donc tu rentres dans la spéculation. Il n'y a là, pas après, de réédition. Tu... Comment ça? Voilà, non, mais j'allais le dire, on va encore taper sur la gueule de Panini, les pauvres, ils sont innocents. Et, bref, donc, ouais, voilà. Après, je vais essayer de donner un peu mon point de vue. C'est un débat, comme tu disais, Nico, c'est un débat très intéressant parce que c'est un débat aussi qui est très complexe. Je pense que je me suis vraiment mis dans les comics grâce au film Spider-Man de l'époque de Sam Raimi. Et parce qu'en fait, je voyais un héros et que je voulais le découvrir. Et puis, c'est comme ça que j'ai acheté du Marvel, que j'ai enchaîné sur du Civil War. Et puis après, je me suis dit, j'aime bien Batman. Donc, je pensais Batman. Et puis après, tu te retrouves avec 4 bibliothèques remplies de mangas qui débordent et qui est à la limite de péter. Et c'est vrai que sur le fait de vouloir rattraper quelque chose, c'est compliqué en fait. Et il faudrait commencer les comics, en tout cas chez Marvel, parce qu'ils le font assez souvent, sur des moments de reboot, quand ils vont rebooter carrément leur univers, ce qui permet de s'introduire plus facilement que si vous l'attrapez en plein milieu. C'est quelque chose que fait assez rarement DC, même s'ils l'ont fait dernièrement deux fois de suite avec les New 52, les DC les Rebirth. Et après, une fois qu'on a commencé mainstream, on se dit tiens, j'ai envie de commencer indépendant parce que bon, j'ai envie de passer à une étape supérieure et peut-être avoir de la lecture un peu plus adulte, entre guillemets, parce que bon, on peut trouver tout style d'indé encore une fois, hein, on peut tomber sur bon, la jeunesse de Picsou qui est, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture suivant notre âge, mais on peut tomber sur du Sustain qui est basé sur un univers BDSM, où on peut tomber sur Black Magic qui est une histoire de sorcellerie, et où on peut tomber également sur Hector 44 qui est une histoire spatiale et politique. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais par contre, tu vois, si j'ai envie de conseiller à quelqu'un de commencer du Marvel, je ferais un peu comme Adrien a fait. En fait, je conseillerais un run complet d'un artiste, parce que c'est un run complet d'un artiste, c'est un peu comme un mini reboot, et on voit ce que l'artiste veut faire jusqu'au bout. Oui. En fait, ça te permet de plonger dans l'univers Marvel qu'on connaît via les films, parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé à lire du Marvel, il n'y avait pas encore toute cette le MCU n'était pas encore créé, quoi. C'était pareil à peu près comme toi, Jeff, avec les Spider-Man, où Captain, ça va être pas mal et tout, enfin voilà. Et se plonger sur, comme Nico a dit, sur un héros, ou sur un arc, ou sur un truc, ou sur un run d'un auteur, ça peut être intéressant de commencer par là, justement, pour voir si déjà l'univers te plaît, comment c'est écrit. Ça peut être une bonne solution, je pense, pour un départ. Tout à fait, et après, voilà. Alors, je te l'avais pas posé la question comme ça, mais c'est aussi très important parce que de différencier le mainstream et l'indépendant. Donc, le mainstream, ça va être tout ce qui va être super-héroïque et le reste. Hein, je résume grossièrement. Parce que pareil, on peut tomber sur des super-héros qui sont super vieux. Donc, je parlais avec Nico de Spawn, mais il y a également Hellboy, il y a Dredd, où il y a plus de 400 chapitres sortis sur Judge Dredd. Donc, c'est vrai que si vous vous concentrez sur un arc d'un auteur, ça sera plus facile pour vous de rentrer à l'intérieur et ça sera moins anxiogène et vous allez moins gaspiller votre argent. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout dit, non? Ouais, c'est des bons conseils. D'ailleurs, avec les conseils d'achat que je ferai, je vous donnerai un petit conseil pour commencer une partie de l'univers Marvel. Alors, juste comme ça pour terminer éventuellement ce petit débat, est-ce que bon, tu peux aussi participer Adrien, mais est-ce que toi Sweep, tu as quelques conseils comics sur un petit run à lire, que ce soit allez, un indé et un mainstream? Mainstream, pour moi, un truc que je peux conseiller, qui est facilement trouvable, parce que normalement, à Coq Panini, vu qu'il réédite pas trop en ce moment, c'est peut-être un peu dur, c'est la trilogie de l'infini de Jim Starlin, enfin même plutôt une quadrilogie, parce que c'est la quête de Thanos, le gant de l'infini, la guerre de l'infini et la croisade de l'infini. Alors ça, normalement, c'est trouvable dans la collection Marvel Events, qui n'est plus réédité. Et le c'est gant de l'infini vaut déjà 50 euros, je crois, sur eBay. Donc voilà. Merde, Panini, quoi. Oh putain. Et sinon, en indé, t'as quelque chose à nous conseiller? En indé, il va falloir que je joue à pile ou face parce que j'ai deux séries favoris. Mais pour pas emmerder Jeff en parlant de saga, je dirais directement Lock and Key. Bon choix. C'est pour ça qu'il faut les lire, Adri. Ouais, grave. Mais moi, j'ai des titres aussi qui me sur un mainstream. Moi, je conseillerais bien les Old Man Logan que j'avais vraiment bien kiffé. Sur Wolverine quand il est vieux, j'avais bien kiffé le run sur ça. Et Punk Run Jesus en indé, qui est vraiment juste ouf. C'est un peu dans un futur proche où une chaîne télé en fait a réussi à cloner l'ADN de Jésus en fait, et ils vont faire grandir et élever en fait cet enfant devant les caméras pour genre une télé réalité en fait, et il va se passer plein d'événements et forcément tout ne va pas se passer comme prévu avec cet enfant qui a un garde du corps un peu violent, on va dire. Donc voilà, très bon. Et alors, de mon côté, je suis en train de regarder ma collection, mais je dirais que ce que je vais vous conseiller en mainstream, ça va être le run de Bendis sur Daredevil, dessiné par Alex Maleev. C'est juste génial. Alors, je sais pas s'ils sont trouvables ou pas. C'était en Marvel Select à l'époque, en 4 tomes. Ça vaut le détour, mais je pense que ça a dû prendre un petit coup parce que ça n'a pas dû être réédité. Je crois pas, non. Donc, voilà, c'est pas gratuit encore une fois. Merci Panini. Et en indé, putain, là aussi, j'en ai tellement. Alors, j'ai longuement hésité également, soit à parler de Suston, mais j'en ai déjà évoqué très rapidement. Mais je sais que cette série va faire plaisir à Nico. C'est une série terminée en 6 tomes. Et je vais vous conseiller Letter 44, qui est donc ce petit odyssée spatiale et politique qui est juste extraordinaire. La Terre est rentrée en contact avec des extraterrestres un peu au hasard et décide d'envoyer un équipage là-bas. Et de l'autre côté, il y a un nouveau président des États-Unis qui doit gérer cette merde-là avec le reste du monde. Et c'est juste génial. Je valide. Je m'en doutais que tu allais valider. Bon, ben, du coup, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet-là et on va directement passer sur les lectures numériques. Deuxième sujet de ce podcast, on va parler des lectures numériques. Parce qu'avec le confinement, on a tous un peu évolué sur nos lectures. Je sais que Nico s'est mis un peu sur la lecture numérique. Adri, je sais pas toi par contre. Ben écoute, moi, la lecture numérique, j'en étais beaucoup fan avant. En fait, j'étais déjà un gros consommateur de légal. De lecture sur. On doit parler légalement. Ouais, c'est possible, mais bon, c'est vrai qu'avec des scans. Ouais, enfin mec, bon, hein. Bref, mais non, mais oui, même légal, j'ai déjà, j'étais déjà un consommateur. Ensuite, j'ai pas vraiment changé mes habitudes durant ce confinement sur mes lectures. Déjà de base, j'avais beaucoup de tomes à rattraper et à lire pendant ce confinement, tu vois, en matériel. Donc du coup, ça m'a permis de baisser de moitié ma pile. C'était pas mal quand même. Et ensuite, je lis encore un peu sur Internet, mais beaucoup moins en fait. Donc voilà, même des séries qu'avant je suivais, je lis de moins en moins sur internet, donc bon, j'ai pas vu trop de différence pour moi pour ce confinement sur ces lectures. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le geste de certains éditeurs à publier et à partager des scans ou des chapitres entiers sur internet gratuitement durant ce confinement, donc même des chapitres découvertes avec genre les deux premiers chapitres d'un tome. Éventuellement, Adrien, si tu me permets, c'est vrai que pendant le confinement, donc il y a eu beaucoup d'éditeurs de mangas, déjà japonais, qui ont proposé les scans gratuitement, il me semble, des sorties hebdomadaires, ils le proposaient gratuitement sur leur site internet. Mais en France, on a eu un énorme geste des éditeurs de mangas. Tous les éditeurs de mangas se sont mis à des tomes 1 gratuits sur une journée. Donc c'est vrai que là-dessus, ça pouvait pas mal... Franchement, ils ont vraiment joué le jeu là, sur ce coup-là, sur les éditeurs de mangas. Ça a été même étonné, quoi. Enfin, tout le monde a joué le jeu. En fait, c'est pas qu'un seul qui a proposé... Non, franchement, ils ont tous proposé des solutions, oui, et des alternatives, et même voilà, des dons, on va dire, parce que c'est quand même... les éditeurs, ils achètent les droits, ils les retravaillent, ils doivent faire la traduction. Enfin, c'est un certain coût pour eux. Et de délivrer comme ça leurs chapitres ou même des tomes gratuitement, même si c'est pour une journée, c'est vraiment un gros geste et chapeau, quoi. Donc oui, et donc ça c'était sur la partie manga. Donc il y a, pour en citer quelques-uns, Akata, Tonkam Delcourt, Glénat, j'ai pas fait attention, il y a Pika, il y a Kana, Soleil, bon, Panini n'a rien fait, donc voilà. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ça. Au niveau de l'industrie du comics, par contre, c'était le calme plat point de vue éditeur en France, parce qu'il y a quasiment personne qui a fait ça, sauf Delcourt, qui proposait des tomes gratuits à vie sur l'application Isneo, qui est une application de lecture de BD de manière générale, où on peut trouver de la franco-belge, on peut trouver des mangas ou des comics. Donc via Isneo, Delcourt proposait des tomes 1 gratuits. J'en ai d'ailleurs profité pour récupérer Fondue au noir par Ed Brubaker, Stranger Paradise, Ant, Criminal, Birthright, enfin bref, j'ai fait un peu Invisible, Redneck, enfin j'ai fait un peu mes courses chez Delcourt grâce à ça. Et les autres éditeurs, que ce soit Panini ou Urban, Calme Plat, on n'a pas entendu parler. Panini, si, ils ont fait des trucs, il me semble. Non, ils ont juste proposé leur tome à 3,99€. Oui, ah si, non, un tome 1 à 1€. Les tomes 1 en ligne à 1€. Alors que d'autres le proposaient gratuitement. Bon, ils ont fait un geste, ils ont fait une réduction sur bah, au moins, ils ont fait un geste, tu vois. Au moins, voilà. Ouais, c'est vrai. Je suis mauvaise langue, pardon. Il y a Bliss qui proposait des tomes gratuits, dont 1000 pages du Bloodshot, il me semble. Et là où, par contre, c'était très étonnant et très sympathique, c'était au niveau des US, où il y a Marvel qui a proposé des tomes gratuits, complètement gratuits. Hein. Et de temps en temps, c'était même des petits omnibus bien, bien sympathiques, dont le Black Panther by Tennessee. Il y avait du Black Widow gratuitement, il y avait du Captain America par Brubaker, Captain Marvel, Doctor Strange, il y avait la guerre Chris Krull également, donc qui date des années 61. C'est très très vieux, quoi. Pas 61, je vais me faire taper dessus, mais bon, qui est une vieille série. Les Fantastic Four, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de tomes gratuits par Marvel, et ça aussi, c'est quelque chose à noter. Nico, toi, tes lectures, t'as évolué un peu avec le confinement ? Moi, alors ben déjà avec les mangas qui étaient gratuits pendant le confinement, je sais que j'avais par exemple relu, c'était quoi, le premier tome d'Iganjima que Soleil avait mis à disposition. Donc c'était sur téléphone, ça allait, côté manga ça allait. Après, très récemment, là, vu que moi j'ai mon changement et que je voulais plus ou moins arrêter Marvel, je me suis dit Marvel, je peux commencer à le regarder en digital, avec par exemple le Marvel Unlimited. Et c'est comme ça que j'ai lu par exemple les House of X, Power of X, et sur tablette. Et c'est vrai que ça change, c'est sympa, ça donne un nouveau truc. La lecture peut être sympa en soi, mais par rapport au support. Je veux dire, par exemple, manga sur mobile, si t'as un mobile avec un écran assez grand, genre moi, celui que j'ai le Huawei P30 Pro, l'écran il est assez grand, tu peux lire tranquille, mais un comic c'est affreux. Mais le comic sur tablette ça passe. Donc après, selon les supports. Mais c'est vrai que même souvent je lisais un peu déjà de base des vieux comics qui étaient introuvables en France, je le lisais déjà même en digital, mais par des trucs un peu moins légaux et comme les scans quand j'étais gamin, je lisais déjà un peu en digital. Mais c'est vrai que par rapport au format physique, je suis toujours très très physique. Le digital c'est juste des trucs à côté, c'est très très rare quoi. Et alors moi de mon côté, donc j'ai beaucoup téléchargé sur Visneo, mais je me les économise un peu quand je vais partir en voyage pour les trajets, parce que je me suis acheté également une tablette pour pouvoir lire tranquillement sur en digital. Mais par contre, j'ai découvert tout ce qui était Webtoon, donc des applications gratuites. Donc il y a Webtoon qui est connu, il y a Too Comics également, qui propose des séries adapté et sur téléphone, et c'est complètement gratuit, et voilà, ils vivent de la pub. Il y a même certaines personnes qui font des webtoons qui deviennent assez connus et qui font même des Comic-Con. Et c'est vrai que là-dessus j'ai beaucoup évolué. Ouais, je vais te reprendre sur ça, tu vois Jeff, parce que moi je me suis mis à lire de plus en plus de webtoons aussi. C'est un marché au début qui commence vraiment à s'agrandir et à avoir vraiment une forte communauté. Il y a même maintenant des webtoons qui sont, ça y est, qui ont leur propre adaptation animée. Donc, les webtoons, ça devient un gros marché, hein, franchement. C'est vraiment intéressant comme lecture. Après, ça diffère un peu. C'est vrai que quand tu commences à lire du webtoon, tu peux être assez... moi, au début, sur certains trucs, j'arrivais pas trop, tu vois, j'arrivais pas trop à approcher. Mais de plus en plus, maintenant. Ouais, mais attends, alors c'est vrai que t'es sur quoi? T'es sur webtoon au niveau de l'application? T'es sur quoi? Ouais, sur webtoon. Alors, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Parce que je commence à être à court de mes séries, personnellement. Là, j'en lis vraiment qu'une. Parce que les autres, j'ai un peu arrêté. Mais comment ça s'appelle? Oh, attends, je cherche comment ça s'appelle. Alors, je sais pas si c'est sur Webtoon, parce que je l'ai trouvé sur un autre truc. Mais ça s'appelle The Legendary Moonlight Sculptor. Ouais, ça me parle pas. Ben, l'e-mec, c'est vraiment pas mal. Ça devrait te plaire. En fait, en gros, le speech, je sais pas si c'est l'endroit, mais c'est pas grave. En gros, tu suis en fait un lycéen qui a arrêté l'école et qui est un gros gamer, tu vois, genre un no-life. Et en fait, il est premier du jeu, il a un jeu en fait, et il est premier de son truc. Et pour payer, en fait, je crois que c'est sa mère ou sa grand-mère qui est hospitalisée et sa sœur qui est à l'école, il va vendre en fait son compte. Il va le mettre en vente le Bon Coin ou quoi, tu vois. Et le truc, c'est que quand il regarde son perso, le mec, en fait, il a 100% de la plus haute qualité que tu peux trouver dans le jeu, tu vois. Genre, ouais. Il est vraiment au top, le mec. C'est le numéro 1, tu vois. Et il se trouve qu'en fait, il gagne au taquet d'argent. Genre, vraiment ouf. Et il doit donc, du coup... il paye, en fait, il réussit à tout payer et il se rend compte que son père avait des dettes, en fait, et via des yakuza. Et du coup, les yakuza, ils viennent récupérer tout l'argent. Ils disent, ok, t'as plus de dettes, mais voilà, on pique tout. Et lui, en gros, il est au taquet sur la thune. Il adore ça, en fait. Il adore gagner de l'argent, machin. Et c'est pour ça que je me dis, ça peut être bien, tu vois, genre le rôdeur, tu vois, le filou, tu vois. Genre, il adore ça, tu vois. C'est un peu un rapia, tu vois, il aime pas trop donner son argent pour tout et n'importe quoi. Ouais, tu bon, vois. D'accord, c'est une crise, quoi. Voilà, c'est une crise, exactement, voilà. Et il va dire à ce chef de Yakuza, ouais, je me vengerai un jour et tout, ça va pas se passer comme ça. Et il dit, ben ok, en fait, le chef du Yakuza dit, ben si dans 3 ans, tu réussis à me retrouver la même somme d'argent, ça fait, je crois, en gros 3 millions d'euros, tu vois, enfin, c'est une somme énorme. Et ben, j'accepterai et je serai même ton larbin, si tu veux. Et du coup, il prend ça comme défi. Et il va se mettre à un nouveau jeu en ligne, un MMORPG, tu vois, et il va essayer de tout faire pour gagner de l'argent dans ce monde-là, en fait. Et il va lui arriver plein de trucs, voilà. Et voilà, et c'est cool, du coup. Donc, c'est vrai que maintenant, les webtoons, je pense que ça va commencer à avoir un gros part de marché, et on va voir de plus en plus de personnes de s'y mettre. Un des plus gros, c'est Solo Leveling, que tout le monde connaît et tout le monde adore. Ouais, moi j'aime beaucoup My Giant Nerd Boyfriend, qui est pas mal, qui est dessiné par Fishball, qui est une coréenne. Et elle a fait dernièrement la Comic-Con de Chicago ou de New York. Ça montre quand même que d'un webtoon, on peut devenir. Ouais. On peut faire des grosses conventions quand même. Ah oui, bien sûr. Bon. C'est vraiment un marché à part, même. Ouais. Du coup, c'est bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Peut-être, Nico, tu lis pas le webtoon, toi, par hasard? Ben, en fait, je viens de télécharger l'appli, je suis en train de regarder, du coup, mais grave intrigué. Je connaissais un peu le système webtoon, mais j'avais jamais lu. Mais on a souvent parlé, après, donc... En ce moment, un animé qui sort, c'est Tower of God. Ben justement, j'ai vu Tower of God, je me suis dit, tiens, c'est pas le truc de l'animé, j'étais en train de regarder vite fait. C'est vraiment bien, en plus l'animation est vraiment trop stylée. Enfin, elle est vraiment bien faite, l'animé est cool, je connaissais pas les scans, mais voilà. Mais après, voilà, c'est pas comme de la BD, comment c'est dessiné, comment sont mises en page les webtoons, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc faut un peu s'accrocher et tout dépend vraiment de l'univers, en fait. Soit t'accroches ou soit tu te t'enlaces vite. Hein. Ouais. Alors si tu télécharges Webtoon, Nico, je te conseille mon plus grand secret. C'est assez barré. Mais je te conseille. Mais, franchement. Mais toi, j'ai peur de ce que tu lis de base. Hein. Écoute, il n'y a que 18 chapitres pour le alors moment. Alors déjà, c'est un 19. C'est un drama déjà, ça me fait peur. Non, mais attends. Je t'attendais à quoi? Non, franchement, ça vaut le coup parce que le mec, c'est un putain de psychopathe. Franchement, c'est grave, quoi. Mais tu liras, tu me diras comment tu trouves ça. Bon, du coup, on est tous d'accord sur les versions numériques, que c'est bien. Et maintenant, je vous propose qu'on attaque un peu la Snyder Cut. Allez. Allez, donc, nouveau débat pour ce débat comics. On va parler de la Snyder Cut. Parce que c'est bon, c'est officiel, elle est sortie. Tous les trolls d'Internet ont gagné la Snyder Cut. Et va enfin voir le jour sur HBO Max en 2021. Donc, même pas sûr que ça arrive en France, parce que HBO Max, tous les droits de HBO, c'est pour OCS. En grande partie, donc même pas sûr que nous, on puisse voir la Snyder Cut. Et enfin, de manière légale, en tout cas, on pourra toujours le télécharger. Et voilà, c'est la victoire des trolls. Et voilà, donc ça a été annoncé par Snyder himself, nous a annoncé qu'il allait faire la Snyder Cut et que la Warner lui rallongeait de 20 millions de dollars pour qu'il puisse terminer son magnifique film qui devrait durer 4-5 heures. Adri, une petite réaction? Ouais, il va finalement peut-être réussir le film qu'il voulait vraiment faire à la base, en fait. Parce que quand tu prévois forcément plusieurs heures, ou en tout cas un gros scénario, et qu'on te dit, ben non, t'enlèves plus de la moitié, et voilà, c'est compliqué. Après, hâte de voir ça. Et je me demande même, est-ce que, en passant par HBO, il va pas en faire une mini-série. Ouais, c'est la rumeur. C'est la rumeur. C'est la... Ouais. Parce que sur 5 heures de film, tu peux pas faire 5 heures de film. Non, tu peux pas. Et bon, alors... Seul le Seigneur des Anneaux peut nous faire tenir et ça a pas fait 5 heures. Oui. Oui. C'est pas fou. Voilà, voilà, un résumé. Merci Nico. Alors, vite fait, pour revenir sur Justice League, donc c'est à mon avis le plus gros échec de chez DC, qui ont enculé tous les fans de la franchise de chez DC, c'est Justice League, où je crois que je m'étais endormi en salle. Ouais, je m'étais lâchement endormi en salle, donc j'ai dû voir un gros tiers du film et encore. Et donc, normalement, il devait être réalisé par Zack Snyder, mais il a perdu sa fille au milieu du tournage. Et donc, c'est Josh Whedon qui a repris le flambeau. Donc, Josh Whedon, c'est celui qui a fait Buffy et Vampire, mais pas que. Et c'est lui qui a fait également Avengers 1, qui était une énorme réussite. Et puis Avengers 2, qui est Avengers 2. Énorme merde. Ah, oui, c'est ça. T'as bien résumé. Et donc, du coup... Honnêtement, au début, j'avais espoir. Et puis, quand tu vois le résultat de Josh Whedon, tu fais non, en fait. Non. Et là, c'est vrai que Snyder, qui annonce enfin qu'il a le budget pour faire ce film-là, au début, j'étais emballé. Pendant les 30 premières minutes, je me suis dit ouais, enfin, il va réaliser son film. Peut-être qu'on verra enfin un bon film Justice League. Puis après, je me suis souvenu de Batman vs Superman. Et puis après, je me suis souvenu je me suis pas souvenu en fait. J'ai imaginé les conséquences que a fait la Warner et de la boîte de Pandore qui vient d'ouvrir. Parce que maintenant, il y a tous ces clowns de réalisateurs qui commencent à dire ouais, moi aussi, je veux réaliser mon cut. Moi aussi. Donc il y a des gens qui, il y a David Ayer qui réclame la Suicide Squad cut. Qui devait durer 4 heures également, comme par hasard. Il y a les fans de Star Wars qui disent « Ouais, je veux voir la revanche des Sith, la version d'origine qu'avait fait Lucas en 4 heures. » Là, tu dis « Bon, ok. » Et maintenant, il y a tous les trolls de Solo qui disent « Ouais, j'aimerais bien avoir une suite de ce film super qui était génial avec une grosse pouf et un bon acteur qui... » Un bon acteur, oui, qui était Chewbacca. Et voilà, quoi. Donc voilà, c'est... Non, honnêtement, je pense que la Warner a fait la pire des conneries du siècle. Je pense. Nico ? Après, honnêtement... c'est pas la première fois qu'on a une version cut en fait d'un film. Je vois pas. Après, est-ce que c'est pas parce que tout le monde le réclame que tout le monde va la voir, tu vois? Ouais, non, là-dessus, t'as raison, on a eu. Parce que en fait, c'est pas choquant qu'on décide sur un film d'avoir une version cut, surtout que le réalisateur de base en fait a pas pu finir son film en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'était des versions cut qu'on avait en version DVD, parce que moi, je pense que tu me parles comme c'est un peu du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. J'ai plus des noms en titre, mais il y a des films où ils ont remanié un peu le film. On a eu une version cut que tu pouvais trouver en DVD. Tu pouvais avoir les deux versions, quoi. Ouais, mais après la grosse différence que c'est maintenant, c'est que t'as la Warner qui n'a pas d'idée pour HBO Max, qui est leur service SVOD. Ils voient que Disney Plus commence à grimper et stagner, parce que bon, maintenant ils ont plus de séries inédites jusqu'à cet été où ils vont nous sortir Falcon et Bucky. T'as Netflix qui a Umbrella et machin qui continue à bien tourner. Je fais pas pour eux, ils savent remettre des nouvelles séries, oui. Des séries petites. Franchement, je m'en fais pas pour eux. Non, Netflix. Non, mais je m'inquiète pas pour eux. Mais si tu veux, c'est pour. Je m'inquiète plus pour Marvel, tu vois, enfin pour Disney. Oh, mais moi je m'inquiète pas pour Disney, mais si tu veux, c'est ce que j'essaie de te montrer, c'est que tout le monde a leur grosse tête d'affiche, tu vois, Disney Plus à Marvel, à Star Wars, Netflix à Netflix de manière générale, ouais. Prime Video, ils ont The Boys qui cartonne, Ouais. Ils vont avoir le Seigneur des Anneaux en 2021 qui va cartonner, qui est la série la plus chère de toutes les séries, parce que je crois que pour acquérir les droits, ils ont dû payer 1 milliard de dollars quand même. C'est énorme. Et un budget de je ne sais pas combien par épisode. Ah ouais, franchement, c'est abusé. Donc ça, Prime a ça. De l'autre côté, t'as CBS qui s'est lancé et ils ont leur série Star Trek. Donc bon, Star Trek aux États-Unis, comme un peu partout dans le monde, ça déroule, donc ils n'ont pas à pleurer. Et de l'autre côté, t'as HBO qui avait rien annoncé, qui n'avait pas de tête d'affiche. Et en fait, ils vont se servir de cette Snyder Cut comme tête d'affiche, j'allais leur dire, venez chez nous. Vous aurez la Snyder Cut qui va sortir. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, parce qu'il n'y a pas vraiment d'imagination du côté de la Warner. Ouais. C'est ça qui me choque, en fait, si tu veux. Et ça peut être une boîte de Pandore pour n'importe quelle personne, parce que déjà, Netflix, avant cette histoire de Snyder Cut, ils avaient parlé de faire ça avec quelques films de Tarantino. Parce qu'ils voulaient faire le Once Upon in Hollywood en 5 heures également, ou en 6 heures. Qui était la version d'origine de Tarantino. Ah ouais, mais non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu commences à comprendre que faire un cut, moi ça me va. Hein. Comme tu dis, il y a eu plusieurs films, pas que Le Seigneur des Anneaux, grand heureusement. D'ailleurs, ils étaient habitués à nous sortir des cuts. D'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, je ne peux même pas dire que c'est un cut, tu vois. C'est une version longue, mais parce qu'ils rajoutent des scènes qu'ils n'ont pas vues. Mais une final cut, c'est vraiment où. T'as des passages qui enlèvent, qui remanient. Souvent, t'as des fins différentes aussi, tu vois. Je la vois comme ça, une Final Cut, tu vois. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, si tu veux, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on touche le fond avec Hollywood, parce qu'ils n'ont plus d'imagination. Ils sont obligés de donner de l'argent pour agrandir les films, pour remodifier les films. Et c'est ça qui est dramatique. C'est triste que HBO, en fait, se contente de faire ça, parce qu'après leur gros carton de Game of Thrones, ils auraient pu prévoir le coup d'avoir une autre série phare à côté, tu vois. Bah, après, je suis mauvaise langue, Gary, parce que bon, ils vont avoir le spin-off de Game of Thrones qui va sortir sur HBO Max, qui va être sur les Targaryens, et c'est un spin-off. Ils vont avoir Green Lantern qui dit que ça va être une série révolutionnaire, rien à voir avec les séries de la CW. J'attends de voir, parce que... Ah ouais, je suis pas au courant de cette info. Il s'est sorti cette semaine, donc c'est pas si vieux que ça. Mais si tu veux, là où la Warner a fait un énorme coup de pub et où tout le monde en parle, c'est pas du spin-off de Game of Thrones, c'est pas de cette série Green Lantern, c'est de la Snyder Cut. Et bien sûr. Après, quand tu regardes il y a pas longtemps, c'était Watchmen pour HBO aussi. Ils ont fait un truc, ça fera qu'une saison, mais c'était... C'est HBO qui avait Watchmen. Oui, c'était HBO. Ça a fonctionné, ça. Non ? Oui, mais ça a très bien fonctionné. Après, c'était pour la chaîne HBO et pas pour le service SVOD. Oui. Ah oui. Vous voyez, c'est maintenant, ce sont les petites subtilités à la con qu'on peut retrouver, quoi. Nico, tu t'es pas exprimé sur la Snyder Cut. Pour moi, la Snyder Cut en soi, par rapport à tout ce que les fans espéraient, ça peut être une bonne chose pour eux et pour Snyder. Après, pour moi, ça peut avoir deux effets. L'effet positif, peut-être que avec le truc sérieux qu'il peut nous faire changer un peu l'industrie cinématographique des comics, et même si le DCU c'était un peu chier par rapport à ça, nous faire des films plus sérieux, plus adultes, avec même plus de genre qu'un simple truc comique, comme par exemple on a le cas avec Marvel qui veut faire de Doctor Strange 2 un truc avec une ambiance légèrement horrifique et tout, mais à voir ce que ça donnera au final. Donc peut y avoir ce bon point, mais après en soi, comme tu l'as dit, le fait que tout le monde veut avoir sa propre version, son propre cut pour les changements qu'il y a eu. Puis même de base, quand on regarde le DCU qui est complètement mort, au final, la Snyder Cut va rien sauver du tout. Donc c'est juste un truc final pour faire plaisir, mais je pense que ça changera pas énormément de choses. Ouais, je pense que t'as bien résumé tout ça. Je pense qu'on va arrêter là sur ce sujet-là. parce qu'on a tout dit, on va vite tourner en rond pour le reste, et on va peut-être passer sur notre avant-dernier sujet. Et nous revoilà pour un petit sujet autour du Japon, un excellent sujet autour du Japon, parce qu'avec le coronavirus, il y a eu le Covid-19, ou la Covid-19, je ne sais jamais comment il faut le dire, enfin bref, il y a eu l'industrie de l'anime qui s'est mise en pause et qui est principalement toujours en pause, et c'est assez grave. Alors en introduction, j'avais dit qu'on avait... décalé la sortie de l'attaque des Titans, et non, je me suis trompé, en fait ils ont juste annoncé la date, mais par contre ils ont décalé Boruto, Food Wars et compagnie. Food Wars en fait était en production, était en série, et en fait ils l'ont arrêté, en fait ils ont dit bon ben on stoppe l'animé et on reprendra plus tard, donc c'est encore pire que je trouve le report, tu vois, parce que l'animé est en cours de production et en cours de diffusion, tu vois. Et genre, il l'arrête, tu vois. Oh, c'est horrible. Bon, ça tombe bien que tu prennes la parole, Adri, parce que c'est ton sujet de la soirée. Je te laisse résumer cette catastrophe au Japon. Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs studios de production, du coup, qui, sur certains animés qui devaient sortir... avant le fin de printemps et cet été, ils ont reporté en fait les gros titres tant attendus. Je parle entre guillemets de ReZero la saison 2, de Sword Art Online. Il y a eu beaucoup d'annonces comme ça. Il y a eu aussi le dernier film qui doivent sortir sur Evangelion, pareil repoussé. Enfin, il y a eu beaucoup d'animés comme ça qui ont été repoussés. Et c'est triste, quoi, parce que du coup, c'est vrai qu'on attend tous à chaque fois nos animés sur leur planning, parce que leurs plannings sont quand même bien faits. Et voilà, à côté de ça, ils ont quand même... en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont repoussé que les gros titres. Il y a toujours des diffusions sur toujours des animés en ce moment. Heureusement, bah, du coup, ça m'a fait... Enfin, on en a reparlé juste un peu avant, Tower of God, qui, eux... n'a pas été repoussé. Alors est-ce que justement ça vient d'un webtoon, du coup ils se sont dit bon on sait pas si ça va marcher ou quoi, on va en profiter pour justement le balancer pendant qu'il n'y a pas d'autres gros titres, et du coup ça marche bien. Ça peut être une solution, je pense qu'ils ont peut-être réfléchi comme ça, mais voilà, donc il y a eu quoi d'autre qui a été repoussé, il y en a eu pas mal, hein, franchement ça a été assez catastrophique. The Millionaire, il y a eu quoi, il y a eu voilà, j'en ai parlé, Evangelion, donc voilà, il y a eu plein de Food Wars, donc du coup qui a été arrêté. Même Pokémon a été arrêté, tu vois. Ouais. One Piece, pareil, donc ils ont reporté des épisodes à cause du Covid. Boruto, tu en as parlé de Jeff. Je vais t'en parler en privé de Sazae-san, qui est la plus vieille série d'animation qui est sur le petit écran depuis 1969 et qui est arrêtée, qui s'est arrêtée également à cause du Covid. Donc ça faisait beaucoup, quoi. Ah ouais, ils ont reporté aussi Promise Neverland, qu'on aura que en janvier 2021. Ça a été un autre animé que j'ai beaucoup aimé, que je sais pas si vous connaissez, c'est Mahouka Kuku no Retusei. Bon, c'est un peu comme ça, mais je connais bien. Il y a eu, ça part d'un light novel, donc il y a eu l'animé une première saison il y a quelques années de ça. Ben là, elle devait, je crois, sortir cet été, elle est repoussée en octobre. Donc voilà, Kingdom, pareil, saison 3 en pause. Black Cover, pareil, en pause aussi. Donc, ils ont mis en pause et leur manga phare, et en plus repoussé les animés attendus un peu plus tard, quoi. Alors, il n'y a pas que les animés, il y a également les films qui ont été repoussés, alors comme le Demon Slayer, mais également, Adri, je te permets d'être en deuil pendant 30 secondes, le premier film de la trilogie Gundam Senku no Hathaway qui a été reporté également, qui devait sortir le 23 juillet 2020, il est finalement reporté à une date ultérieure, donc voilà, tu peux pleurer. Ouais, parce que je n'étais pas au courant pour le Gundam, putain, fais chier. Ça vient de sortir aujourd'hui à 19h, donc... Ah ouais, être... un peu d'accord. Il y a eu aussi Danmachi qui a été repoussé pour la saison 3. Donc voilà. Malgré tout, le jump ne s'est pas arrêté. Comme tu avais pu le dire aussi, Jeff, il y a eu certains jumps qui ont été publiés gratuitement sur Internet. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont vu sur le moment. Il y a eu quelques séries qui ont été arrêtées momentanément parce que certains éditeurs ou les gens qui suivent les mangaka ou même les mangaka qui sont tombés malades, ben forcément du coup la série s'est arrêtée. Mais ils ont continué de publier quand même les jumps. Donc voilà. Alors, par contre, on a parlé beaucoup d'arrêts, mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles avec des dates de reprise qui commencent à arriver. Alors, je pense qu'il y a tout le monde qui s'en fout, mais il y a bientôt le prochain épisode de Digimon Adventure qui va reprendre. Il me semble que c'est fin juin que ça va reprendre ça. Début juillet, il y a Food Wars qui reprend également pour la dernière saison. Et voilà, donc l'industrie a été en pause. Titan qui arrive bientôt. En plus, on a eu une information aujourd'hui. Je crois que je l'ai vu aujourd'hui, en tout cas, moi. Comme quoi, l'attaque des Titans, on sait que ça sera la dernière saison. Et on sait officiellement qu'il va y avoir la vraie fin par rapport au manga. Pendant cette saison, en fait. Ça va être ce qu'on sait. On sait depuis le début que ça va être la dernière saison annoncée, machin. Mais on savait pas comment ça allait être terminé. Est-ce qu'ils allaient faire une fin un peu à la Full Metal Alchemist où ils ont changé en cours de route l'histoire? Et là, non. On sait qu'officiellement, ça sera la vraie fin du manga papier, quoi. Donc, ça c'est plutôt cool. Ouais, moi qui ne lis pas les scans de. Enfin, je veux dire, le bouquin, je l'achète pas, quoi. Non, mais on a compris. C'est bon, tu vas essayer de te rattraper. De toute façon, je l'ai dit avant, je lis quasiment plus sur internet et j'ai quasiment plus les scans, à part quelques webtoons et quelques trucs, mais vraiment. J'ai déjà trop de trucs à lire en papier pour m'occuper. C'est-à-dire que les seuls scans qu'il veut lire, il en lit une fois par an, c'est les Berserk, c'est tout. Ouais, voilà. Non, mais parce que c'est Berserk. Et c'est ça, de toute façon, 3 scans dans l'année, hein, je peux bien me les lire. Hein. Nico, t'en penses quoi, toi, de cet arrêt des animés au Japon? Parce que bon, ils auraient pu faire du télétravail comme toi. Ouais, bah après, c'est compréhensible en soi aussi. Moi, je vois dans l'industrie des jeux vidéo. Je suis un grand fan d'Overwatch. En plein confinement, on a un nouveau perso qui est sorti. Et le perso, quand il est sorti, ben, il n'avait pas de voix française parce que par rapport au confinement, il n'y avait pas eu d'enregistrement pour un artiste français pour prêter sa voix à Echo. Et voilà, donc non, je comprends très bien que après tout n'a pas été reporté. Parce que même moi, on l'a tous vu, il y a encore des animés qui sortaient. Donc ces reports en soi, c'est compréhensible qu'il le fasse ou non. On est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas foutre sa vie en danger avant tout. Donc ben, moi, même en tant que fan de manga, devoir attendre un peu plus, c'est pas ce qui me gêne le plus, quoi. Et je pense que tu as bien résumé la chose parce que c'est très bien dit. Malgré que ça fasse entre guillemets chier de voir l'industrie en pause, hein, au niveau des animés. Il y a tellement de trucs que je voulais voir. Oh là là. Franchement, j'étais en deuil, je crois. Franchement. Quand j'ai vu certains titres reportés, je crois qu'il y a même, je sais plus si moi quand je me racane en slime, je sais qu'il y a la prochaine saison et je crois qu'elle a été reportée même. Je crois, je suis pas certain. Je sais qu'elle devait paraître et je sais pas si c'est en fin d'année ou s'ils ont juste mis une date définitive ou s'ils l'ont reportée depuis. Mais voilà, même ça, SAO, Sword Art Online, même si certains, mais moi j'adore. Mais voilà. d'être déçu. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer le dernier sujet qui va être nos conseils d'achat pour le mois de juin. Et nous voici sur cette dernière partie d'émission. On va parler de nos conseils d'achat. Donc, je rappelle le principe. On a tous un portefeuille de 30 euros qu'il faut éviter de dépasser parce qu'on sait tous qu'on a tous des petits budgets et qu'on ne peut pas dépenser plus de 150 euros de manga ou de comics. Enfin, les personnes lambda ne dépassent pas ce genre de budget. Parce que je pense qu'à nous trois, on doit être facilement à 350 euros par mois minimum, non ? Ouais, mais c'est bien ces conseils d'achat parce que moi, le jour où j'achète un appartement, j'aurai peut-être vraiment que 30 euros pour acheter quelque chose. Donc au final, ça me formalise déjà au format. Non, moi, c'est, je sais pas, ça dépend les mois, tu vois. Ça dépend, mais bon, ouais. Les 150, oui. Ouais, 150, mais moi, c'est 150 par mois, pareil. Ouais. Moi, je suis alors, hors confinement et salaire plein, je suis à 100-120. Donc je pense qu'à nous trois, on dépasse bien les 350. Ah oui, nous trois, mec, laisse tomber. Allez, bon, du coup, Nico, t'avais l'air impatient et tu jouais au suspense. Non, attends, parce que j'en ai perdu un, donc fais passer à deux avant, parce que... Bon, ben, vas-y, Adrien. Faut pas que je le copie. Vas-y, Adrien, commence. Ok, alors, moi, pour le mois de juin, bon, il est sorti fin mai, mais vraiment fin mai. T'es sûr? Ça commence par un B, ouais, c'est le numéro 10. Mais oui, c'est Beastar, évidemment, parce que ça y est, j'ai tout rattrapé. J'ai rattrapé les 9 tomes et c'est trop bien. Putain, il me manque là. Ah là là, c'est déjà samedi, c'est sûr, je vais me l'acheter. Du coup, voilà. Donc, Beastar, c'est, je pense que c'est même plus à redire. Après tout, bah, on a même fait un petit lire en bulle avec Nico. Donc, voilà, Beastar. Ensuite, il y a le tome 2 de Chainsaw Man qui est sorti hier, donc le 3 juin, donc voilà, par l'auteur de Fire Punch. Ensuite, il y a le très connu My Hero Academia, tome 23, qui sort aujourd'hui. Et ensuite, pour un dernier, allez, je vais en dire deux parce que vraiment, il y a l'Atelier des Sorciers, le tome 6 qui sort. Je m'y attendais. Oui. Ah, mais l'Atelier des Sorciers, mec, c'était obligé. Le samedi 13, je l'achète tout de suite. De chez Pika, donc voilà. Non, il sort le 10, hein, je crois. Le 10, ouais, mais moi, je vais chez AB Dessiné le 13, donc... Ah oui, d'accord, ok. Oui, bah moi, j'ai réservé la version collector. Alors, je pense que tu as une révision à faire sur ta voiture également, donc économise un peu d'argent, hein. Non, mais t'inquiète, il y a les primes qui viennent là, donc c'est bon. Ah, bah ça va alors. Il y a des gens, ils ont la chance d'avoir des primes, quoi. Ah, bah écoute, hein. Ah, mais là, si, j'ai appris aujourd'hui, j'avais touché une prime de 30 euros. J'étais content, j'avais un mec qui se torche le cul avec. Mais c'est une autre histoire, tout ça. on ne parlera pas d'argent ici. Enfin bref. Non. Et pour un dernier, évidemment, gros coup de cœur depuis 3 ans. Le petit Promesse Neverland qui sort donc voilà le 10 juin aussi voilà donc le tome 14 parce que le tome 13 est sorti le mois dernier donc voilà mes conseils d'achat bon sans forcément prendre de risques parce que à part peut-être Chainsaw Man qui est peut-être le plus méconnu mais voilà des gros titres mais on adore on aime ça. C'est que du bijou, donc voilà. Je vous laisse la parole, messieurs. Allez, vas-y, Nico. Alors attends, parce que je suis en train de m'inquiéter, là. J'avais vu un tome qui a disparu. Ah non, il est là. Est-ce qu'il est bien prévu pour ce mois-ci ? Oui. Alors, ben, heureusement que Adrien est passé devant moi, parce qu'effectivement, Chainsaw Man et Beastar étaient dans la liste. Ah ouais, mais yes on a les mêmes goûts, bon, mec, tu vois, c'est ça qui est beau. Heureusement que j'avais prévu beaucoup d'autres choses. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller ? J'ai vu énormément de séries qui me tentaient, j'ai oublié au dernier moment qu'on avait un budget de 30 euros, donc voici ma sélection. Je pense qu'au total, je vais en avoir pour 32-33 euros, mais bon... On va pas m'en vouloir. Non, j'ai pas trop calculé. Hein. Je me suis dit environ 7 euros le bouquin. Bon. Alors, attends, parce que je vais vérifier les prix au cas où, histoire que... Est-ce que je triche réellement? Ah non, je suis même peut-être finalement dans les scores. Parce que celui que je pensais qu'il était à 15, il est à 12 euros. Alors, première sélection, c'est le numéro 2, le volume 2 de Asadora. Le dernier comics de Urasawa. Le premier tome, je l'avais dévoré, je l'avais découvert un peu à la fin du confinement. J'étais en pleine lecture de Monster et j'ai vu Urasawa sur un nouveau manga. Et j'avais dévoré ce comics. La petite Asa est super, l'histoire est assez touchante. On part sur un truc assez mystérieux parce qu'au départ, on a une vision du futur où on voit une sorte de... Je pense presque que c'est Godzilla qui ravage la ville. Et après, on revient plus tard dans le passé, et on découvre Asa et il y a eu une catastrophe naturelle. Et à la fin du tome, on découvre une grosse empreinte laissant sans doute passer, donc une sorte de Godzilla. Donc c'était très intriguant et donc je vais me prendre le volume 2 que je vais dévorer assez rapidement. Ensuite, pour faire les deux autres, sont des gros classiques, mais bon, quelque chose de très très bon. Le volume 3 Perfect Edition de Full Metal Alchemist, qui sort le 4 juin, donc qui est sorti aujourd'hui. Tu vas éjaculer là. Ah ouais, mec. Et pour faire un autre truc excellent et archi classique, normalement ce mois-ci, 26 juin, sort le volume 2 de All Boy. Qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, un film était sorti qui est une œuvre super culte. Le film qui était coréen, il me semble, était vraiment génial. Donc ça fait partie de ces trois mangas, c'est parmi une bonne liste des mangas, mais c'est ceux que je conseillerais pour ma part pour ce mois-ci. Ok. Alors, moi de mon côté, je vais quand même conseiller un peu des comics parce que bon, il en faut au moins un qui conseille. Et je vais conseiller l'excellent Arline qui va sortir chez Urban à 19 euros pour le 12 juin. C'est l'origin story de Harley Quinn. On voit sa transformation. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, une petite pépite. Scénarisé et dessiné par la même personne et c'est fait par Stéphane Segish. Donc c'est celui-là qui fait ce stun. Sur disons passage comme ça au hasard. Nicole a connu cet auteur pour Aquaman à l'époque et voilà. Alors c'était un vrai bijou, je n'ai rien à dire, c'est du DC Black Label. Je suis pas ultra fan d'Harley Quinn, j'aime pas Harley Quinn, j'aime pas les nanas qui cosplayent en Harley Quinn qui disent elle est géniale Harley Quinn, non putain c'est une putain, bref, donc j'étais curieux et je l'ai acheté à l'époque en VO et ça vaut le coup d'œil. L'édition d'Urban va être très jolie, je vois la cover et compagnie. Je trouve le tarif un peu cher pour ce que c'est parce que c'est à 19 euros pour seulement 3 chapitres. Donc ça fait mal au cul. J'ai eu pas mal de se plaindre par rapport à ça. Voilà, en VO ça m'a coûté quasiment le même tarif voire même un peu moins cher. Par contre quand on prend le TPB en VO c'est pas 19 euros hein, c'est 25-30 euros hein, donc... C'est les TPB. mais non c'est pas les TPB, c'est les hardcover alors. C'est hardcover parce qu'ils sortent directement en hardcover. Ouais, les salauds, ils font souvent ça. C'est ça. Et donc là, du coup, la version française est plus abordable. Donc voilà, je pense que c'est un must-have que beaucoup de personnes vont adorer. Même toi, Adri, je te le conseille parce que c'est juste 3 chapitres, c'est juste une origin story, ça vaut le coup d'œil. Franchement, Adri, si tu as 19 balles à perdre, ça sera pas perdu, ça sera vraiment très très bien. Et la couverture et le reste, c'est juste génial. Je conseille vraiment. Point de vue manga, parce que je veux également conseiller manga, je suis très emmerdé. Très, très emmerdé parce que Adri est passé également devant moi en citant My Hero Academia, l'Atelier des Sorciers, par exemple, ou Promesse Neverland. Eh oui, les gars, eh oui, je vous... Mais heureusement que je lis également d'autres choses et j'ai beaucoup hésité. Oui, tu as tes spécialités, Jeff, on te les laisse. Non, non, non, parce que je vais te surprendre. Je vais parler d'un seinen qui marche très bien, qui va être adapté en animé. Je vais vous conseiller le 7e tome de Moriarty the Patriot. Donc on se replonge dans l'époque victorienne avec Sherlock Holmes et Moriarty, sauf qu'on ne suit pas Sherlock Holmes, on suit Moriarty et sa méthode de pensée de pourquoi il décide de faire ce qu'il fait et pourquoi il veut abattre la royauté anglaise. C'est un excellent manga qui est probablement en 7 tomes. J'adore énormément. Et sur le tome 6, ils ont voulu faire un espèce de petit tournant un peu bizarre en introduisant James Bond dans l'univers de Sherlock. Donc je trouve ça assez surprenant et c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce septième tome et de voir comment ils vont s'en sortir avec cette histoire. Donc non, ce n'est pas Yuri, c'est juste un bon vieux CNN qui est sorti chez Kana. Et voilà, et il est sorti fin mai, le 29 mai, donc je compte quand même en sortie de juin. Oui. Donc voilà, bon. C'est tout ce qu'on pouvait dire pour cet épisode. C'est la fin de la saison. On n'aura plus de débat comics comme ça avant fin août, début septembre. On n'a pas de date de reprise. Donc voilà, c'est triste. Mais on va arriver avec un nouveau format parce que Adrien a proposé quelques petites idées pour améliorer l'émission et on est assez pour faire progresser la chose. Donc voilà. Le débat comics n'est pas pour autant fini parce que on en avait parlé rapidement. Peut-être faire quelques petites émissions un peu spéciales avec soit des éditeurs, soit avec des dessinateurs ou des scénaristes qui parleront de ce qu'ils font, de ce qu'ils vont vous proposer comme type de lecture également. Et comment ils ont vécu à tous le confinement. Je pense que ça va être quelque chose d'assez sympathique, mais ça arrivera pas avant fin juin, début juillet. C'est juste provisoire, c'est juste pour la période. Ouais, des petites émissions comme ça qu'on vous proposera en gros cet été pour pas non plus couper court, mais voilà, le débat comics revient à finir cette saison. En tout cas voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. Et voilà, ben je laisse le mot de la fin à mes compatriotes. Un gros silence, voilà. Je vais commencer alors. Je vais commencer. Mais déjà, merci à vous les gars. Franchement, bonne saison passée avec vous et avec tous nos invités. Je pense qu'on a essayé de partager au maximum et aussi bien qu'on a pu notre passion des lectures et des différents univers qu'on apprécie tant. Et voilà, franchement, je me suis éclaté et... N'hésitez pas à venir réécouter nos émissions et être présent en tout cas à notre retour avec encore plus d'émissions, plus d'infos, plus de fun. Voilà, donc merci à vous, merci à l'équipe et puis à bientôt. Et bien moi pour ce petit mot de fin, c'est une saison très sympathique. C'est vrai que je pensais pas au moment où j'ai relancé l'idée lorsque j'avais sorti ma vidéo. Pour faire le bilan un peu de la chaîne YouTube que j'avais en me disant que j'étais nostalgique de cette époque d'Occitanie Comics où on faisait surtout nos vidéos avec à l'époque Adri qui était encore caméraman et qui faisait un peu chroniqueur aussi et ça me manquait et c'est vrai que ce fut une belle saison, j'espère que ce sera pas la dernière, que contrairement à la partie YouTube on restera un peu plus longtemps à déconner même si on se voit toujours en vrai. J'espère que tout ça vous aura plu, on va essayer de donner notre maximum. Comme à chaque fois, toujours trouver des petits sujets, des choses par rapport à l'actualité et encore d'autres choses. Donc passez tous de bonnes vacances, on sortira encore de quelques trucs de temps en temps, mais il nous tarde de tous nous retrouver, de tous vous retrouver. Et bien sur ce, je vais à tous vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à très très bientôt dans un de nos podcasts, que ce soit le Desleur, l'Irambule ou un débat comics un peu... particulier pour cette saison estivale. Oui, au revoir, bonne soirée, bonne journée à tous et bonnes vacances et bon été. Bon, mais du coup, ciao tout le monde.